Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, Louis Hébert et Marie Rollet, premiers colons en Nouvelle-France. Dès la fonte des neiges, à nouveau le blé, le maïs, les arbres fruitiers. Pauvre Louis, encore tes chimères. Quoi ? Chaque jour, nous en gagnons sur la forêt. Oh oui, tu as raison, dans un siècle, nous aurons une vraie ferme. Gilles Pelletier et Marthe Turgeon incarnant les personnages de Louis Hébert et Marie Rollet dans un téléthéâtre signé Jean-Robert Rimillard en 1973, les figures de Louis Hébert et de Marie Rollet seront étroitement associées au début de la colonie et à la vie de famille en Nouvelle-France. L'héritage de Louis Hébert sur le plan de la botanique sera également considérable, bien qu'éclipsé, il faut bien le dire, par ce qu'on retiendra surtout de lui. On parlera d'abord et avant tout de lui comme premier cultivateur, premier colon en Nouvelle-France. Jamais Québécois n'aura reçu d'hommage aussi colossal. Celui que la Fédération internationale des agriculteurs a rendu ce soir à Louis Hébert, le premier agriculteur de Nouvelle-France. La Fédération, qui est en congrès à Québec, représente 280 millions d'agriculteurs de par le monde. Louis Hébert, qui était apothicaire à Paris, était arrivé au pays en 1617, il y a 375 ans. Bernard de Rome au téléjournal du 2 juin 1992 pour nous raconter l'histoire de Louis Hébert et de sa compagne Marie Rollet, mon invité l'historien Éric Dussault. Éric Dussault, bonjour. Bonjour. Premier agriculteur de Nouvelle-France, dit Bernard de Rome dans l'extrait qu'on vient d'entendre, Éric. De fait, on l'a beaucoup associé à ça, à Louis Hébert. Oui. Cette figure de Louis Hébert, celle de Marie Rollet par extension, qu'est-ce qu'elle représente, ces deux figures, dans notre histoire? Est-ce que vous me permettez une nuance pour commencer? L'agriculture, les Autochtones la pratiquaient aussi avant que les Français arrivent. Donc déjà, il faut nuancer ce propos-là. Ce qu'on appelle les trois sœurs, hein, courge, maïs et puis haricots, ce sont des productions que les Autochtones ont l'habitude de produire. Alors, on parle bien du premier agriculteur français qui arrive ici. Nuance importante. Mais qui nous met exactement... Ça nous dit ce que ça... D'abord, l'histoire de Louis Hébert, il y a toute une historiographie au début du 20e siècle qui va se développer, où on va... Justement, sans faire de mauvais jeu de mots, cultiver ce mythe du cultivateur, du défricheur, du colon. Et qu'est-ce qui arrive au début du 20e siècle au Québec, comme ça arrivera en Europe au même moment? C'est la population à 50% et plus qui vit dans une zone urbaine. Alors, le clergé de l'époque, au début du 20e siècle, va réagir à ça en valorisant le terroir. Donc, il y a toute une historiographie qui va valoriser la vie agricole, le monde paysan. Et cette historiographie-là va prendre Louis Hébert et en faire une star, un héros littéralement national qui a évidemment ouvert la voie à la création de ce territoire. Et il faut évidemment se remettre dans le contexte de l'époque. On est au début du 17e siècle. Imaginez ce que ça a pu représenter faire de l'agriculture en sol québécois avec à ce moment-là. Rien, au début, avec rien. Il va inventer même une manière de faire sur la terre québécoise. Tout à fait. Donc, c'est un pionnier, d'accord. C'est quelqu'un d'important. On est d'accord là-dessus. Par contre, il ne faut quand même pas oublier ce qui existait avant lui. Il y a aussi une histoire pré-européenne sur ce sol. Puis il sera plus, parce que c'est vraiment autour de cette notion de pionnier, de colon, d'agriculteur. C'est ça qu'on va retenir de lui. On le verra au cours de l'émission, il sera beaucoup plus que ça. De manière peut-être même plus importante, ce sera le premier botaniste de Nouvelle-France. Ça, vraiment, il y a tout un héritage qu'il va nous laisser. Revenons peut-être au départ. Oui. Parlez-nous un peu du bonhomme. Qui est-il, Louis Hébert? Alors, Louis Hébert, c'est quelqu'un qui va naître à Paris en 1575. Il va mourir à Québec le 25 janvier 1627, à la suite de ce qui semblerait être une chute sur la glace, comme quoi l'hiver québécois peut être difficile pour le colon. Alors, Louis Hébert est à Paris, il habite à Saint-Germain-des-Prés à ce moment-là, dans la rue de la Petite-Seine, qui est l'actuelle rue Bonaparte, pour vous situer. Oui. Et il est apothicaire, et puis selon... ce qu'on aurait pu s'attendre de lui à l'époque, il aurait dû rester à Paris, puis suivre les traces de son père, qui était aussi apothicaire, et puis il aurait dû finalement devenir un petit bourgeois de l'époque, en quelque sorte. Or, lui va rencontrer Champlain dans sa vie, qui va l'amener jusqu'en Acadie. Alors, Louis Hébert va se rendre en Acadie avec Champlain. Trois voyages. Tout à fait. Et c'est quelqu'un qui est aventurier, qui est curieux... Moi, je suis toujours impressionné par leur courage, leur détermination, leur curiosité. Ils n'ont pas d'ordinateur, ils n'ont rien des moyens d'aujourd'hui. Et ils travaillent comme des fous, ils notent. Ils sont des vrais intellectuels, des vrais curieux qui veulent tout connaître, tout savoir, qui remettent tout en question. Et lui en fait partie, Louis Hébert. Oui. Alors, il va donc se rendre en Acadie. Après ça, en 1616-1617, Champlain est à Paris, après avoir fondé Québec en 1608. Et là, il cherche des appuis pour la colonie. Et il va offrir à Hébert de venir encore une fois en Amérique du Nord, mais là, cette fois-ci, à Québec, pour venir installer une première famille de colons, première famille française en Amérique du Nord. Mais qu'est-ce qui le fascine tant, Éric Dussault? Trois expéditions avec Champlain en Nouvelle-France, en Acadie, un petit peu aux États-Unis aussi sur la côte Est. Là, ils vont descendre un peu plus au sud. Il vient trois fois avant le grand départ de 1617. Pourquoi veut-il tant venir en Nouvelle-France? Évidemment, c'est difficile de se remettre dans la tête de cette personne-là. On parle de Louis Hébert. Mais si vous me permettez, je vais citer Dugas-Demont, qui est l'argentier, le producteur de ces missions-là, en quelque sorte le financier, qui envoie une lettre à Louis Hébert le 18 février 1617 et qui dit, bon, on a besoin, les gens ont du mal à comprendre l'importance de la culture de la terre en Amérique du Nord, l'entretien du bétail, c'est fondamental pour installer une colonie. Et il dit, la gloire à ceux qui vont contribuer à cette mission-là leur sera offerte, la détermination que vous avez fera en sorte que vous aurez une grande réussite et cette réussite-là va servir d'exemple aux autres et vous aurez les honneurs qui l'accompagneront. Alors, on présente beaucoup Louis Hébert comme étant quelqu'un de humble. Je n'en doute pas, mais est-ce que c'est possible qu'il ait été conscient quand même déjà à l'époque qu'il serait éternellement reconnu comme un pionnier, comme quelqu'un qui aurait été un des premiers à fonder ce territoire-là. En tout cas, manifestement, je me demande s'il n'y a pas ça quand même. Il croit à cette colonie et il veut participer à son développement parce que c'est un peu ça que cette lettre lui dit. Vous serez un exemple. Il sait que c'est par là. Il faut que des familles viennent s'établir en Nouvelle-France, qu'on cultive la terre, que c'est comme ça que la colonie, la vie dans cette colonie, la vie de famille dans cette colonie va se développer. C'est ça, au départ, là, probablement l'intention. Et c'est d'arriver sur un territoire complètement vierge où tout est possible. Moi, je pense liberté, on en a parlé beaucoup quand on parle de la Nouvelle-France, mais c'est précieux pour certains Français. Il a une vie confortable. Il vit à Saint-Germain-des-Prés, vous nous le disiez. Mais ça ne lui convient pas. Exactement. C'est comme s'il lui manquait quelque chose dans sa vie. On a l'impression qu'il y a une partie de lui qui ne se réalise pas s'il ne se met pas en danger. Et j'imagine, on peut imaginer le genre de discussion que lui et son épouse, Marie Rollet, ont eue pour en arriver à la conclusion qu'on partirait avec la famille. Ils ont tout vendu, Ils ont décidé de tout vendre, alors que Champlain réussit à lui obtenir un contrat favorable avec la compagnie des fourrures. Mais finalement, lorsqu'il arrive à Honfleur avec sa famille, donc trois enfants, Marie Rollet et son beau-frère, Claude, il découvre que la compagnie, à la dernière minute, a décidé de diminuer de moitié l'argent. Les 200 couronnes donc vont diminuer de moitié, de même pour les concessions qui lui étaient promises. Et là, comme il a tout vendu, il se dit, j'ai pas le choix, il faut que je parte, il est trop tard. Mais ça, c'est intéressant, parce que ça montre une chose qu'on oublie, Éric Dussault, c'est Champlain qui fonde Québec officiellement en 1608. C'est Champlain qui dit à son ami Louis Hébert, voici, je t'ai obtenu un contrat, c'est les conditions dans lesquelles tu vas t'établir en Nouvelle-France. Et au moment de prendre le bateau à Honfleur, la compagnie des fourrures dit, ce sera pas ça. Et ça montre une chose qu'on oublie, c'est que même, au fond, la compagnie des fourrures emmène très, très large, d'une certaine manière, à ce moment-là, plus large que Champlain. Oui, donc Champlain est le représentant. Il ne faut pas oublier ça. Champlain a, grâce à Dugas-Demont, qui lui a obtenu le monopole de la traite des fourrures, a, à travers la compagnie, la responsabilité de développer ce secteur-là. Ouais. C'est pas tant de créer une colonie digne de ce nom que d'exploiter les ressources qui sont là. Parce que la compagnie ne voudrait jamais se retrouver avec des concurrents sur le territoire. C'est ça aussi le danger. La compagnie, son intérêt, c'est qu'elle ait le monopole et qu'elle exploite, selon ses propres règles à elle, le territoire et ses ressources. Or, si on se met à installer une colonie, s'il se met à y avoir des coureurs de bois qui vont se mettre à peut-être faire de la traite en parallèle, ben là, finalement, du point de vue de la compagnie, ça devient risqué. Puis de fait, Québec, à ce moment-là, la colonie, à ce moment-là, c'est effectivement une espèce de grand comptoir de fourrure. Ce n'est que ça, à l'époque. C'est plus tard que Québec va acquérir la vraie stature qu'elle aura. À partir de 1660, 1933, quand le roi de France décide, après les multiples revers des différentes compagnies, dont la célèbre Compagnie des 100 associés qui a commencé ses activités en Amérique du Nord en 1627, à partir de ce moment-là, 1663, là, le roi prend vraiment le contrôle de cette colonie-là, qui est la Nouvelle-France, va envoyer des intendants et des gouverneurs, donc des représentants de la royauté sur place, et il y aura un conseil souverain. Et là, tout d'un coup, Québec devient vraiment une capitale. Alors, et c'est là qu'elle prend de l'ampleur. On revient à Louis Hébert. Il arrive donc à Québec en 1617. À quoi ressemble Québec dans lequel il débarque? Pas grand-chose. Écoutez, en termes de population... juste pour vous donner une idée, 10 ans plus tard, 1627, il y a 72-73 personnes qui hivernent. Parce que ça, c'est intéressant. Un Québécois qui vit en Nouvelle-France à ce moment-là, un Français qui vit en Nouvelle-France, c'est quelqu'un qui hiverne, quelqu'un qui va passer l'hiver. Hein, oui. L'expression « passer l'hiver », il ne passera pas l'hiver, bien là, on passe l'hiver. Et c'est ces gens-là qu'on considère être comme des gens qui habitent sur place. Pas des gens qui arrivent avec les bateaux au début de l'été et qui repartent à l'automne. Ça, c'est des gens de passage. Ceux qui restent sur place, on parle d'à peine 70 âmes. Donc, vous imaginez, il n'y a pas grand monde. Il y a en basse ville de Québec, là où se trouve l'église Notre-Dame-des-Victoires aujourd'hui, à la place Royale, il y a une première habitation construite par Champlain en bois en 1608. 1624, là, il y a une structure en pierre. Ça, c'est ce qu'il y a en bas. Oui. Ça, c'est l'habitation. Et ça sert à toutes sortes de choses. Comptoir de traite, ça sert pour stocker la marchandise, ça sert à loger les gens, à protéger, parce qu'il y a une palissade autour aussi, les habitants. Et à partir de 1620, en Hauteville, donc là où se trouve le château Frontenac aujourd'hui ou à peu près, il y a le fort à partir de 1620. Et juste à côté, ben, la première famille, ça nous ramène à notre sujet d'aujourd'hui, Louis Hébert, sa femme, ses trois enfants et son beau-frère qui habitent juste à côté. Donc sur fort. Le Cap Diamant. Ils sont sur tout le Cap en haut. Diamant, là où c'est ce qu'on appelle... le fief du Saut-au-Matelot, donc ça se trouve être aujourd'hui le séminaire et le petit séminaire, plus la rue Couillard et la rue Hébert, qui fait partie de ce qu'on appelle le quartier latin de Québec, et la basilique. Tout ça, c'est le territoire de la famille Hébert-Rollet. Et qui fera-t-il donc à Québec à son arrivée par la suite, Louis Hébert? On écoute à ce propos l'archéologue René Bélanger à l'émission La Semaine verte en 1993. C'était un apothicaire et ce serait assez étonnant qu'il n'ait pas pratiqué son métier d'apothicaire ici. Mais il venait s'établir avec sa famille. Dans son esprit, c'était de créer une nouvelle colonie. Hein. C'était ce qui était à la mode à l'époque. Et puis, il s'est venu s'installer ici, il a défriché sa terre. Puis c'était seulement ça son but. Mais il a joué un rôle très important dans la colonie. C'était un collaborateur de Champlain, évidemment, parce que c'était quand même quelqu'un qui était lettré. Là, c'était un apothicaire. Le fait qu'il ait été apothicaire fait aussi en sorte que tout ce qui pouvait concerner la culture, ça ne devait pas lui être très étranger parce qu'il devait faire pousser, il devait être en mesure de faire pousser les plantes dont il avait besoin pour sa profession. Alors, il s'est amené ici en toute connaissance de cause, je pense, avec beaucoup de travail à abattre, par exemple. Ça, c'est clair, beaucoup de travail à abattre. Hein. Faut se replacer encore une fois dans le contexte de l'époque. Qu'est-ce qui sera d'abord et avant tout Louis Hébert, Éric Dussault? Il est apothicaire à Paris. Il veut absolument cultiver, être cultivateur ici. Qu'est-ce qu'il sera d'abord et avant tout? Ben, il sera d'abord et avant tout aux yeux de la compagnie qui va l'embaucher, hein, parce qu'il travaille pour la compagnie des fourrures à ce moment-là. Il est d'abord un apothicaire. Ouais. C'est pas tant. La compagnie n'est pas intéressée à ce qu'il développe le territoire du côté agriculture. En fait, pas elle va du lui tout. Mettre des bâtons dans les roues, tout cette compagnie. Tout à fait. Parce qu'il faut créer il faut entretenir cette dépendance-là. Il faut que les habitants de la Nouvelle-France demeurent dépendants des approvisionnements de Paris. Parce que l'indépendance, ça veut dire une concurrence potentielle. Je le répète, c'est fondamental pour comprendre. Donc, c'est pour ça qu'on met des bâtons dans les roues à Louis Hébert. Alors, ça veut dire que Louis Hébert va réussir à nourrir sa famille. En certaines situations de crise, va partager une partie de la nourriture avec les autres habitants, mais il y aura quand même des famines sur une base régulière. Il y a des Autochtones qui vont aussi fournir du maïs aux Européens lorsqu'il y aura des problèmes aussi d'approvisionnement. Mais il faut imaginer l'angoisse de ces gens-là à l'égard de l'arrivée des bateaux à chaque année. Donc, pour lui, l'autonomie, pour bateau. Champlain et pour Louis Hébert, l'autonomie est basée sur l'autonomie alimentaire. Ouais. Alors, c'est pour ça que et Champlain et Louis Hébert vont vouloir cultiver. Et ils vont le faire. Et ils vont réussir à se nourrir. Ils seront les seuls vraiment à pouvoir vivre de ce qu'ils produisent. Sinon, la plupart des habitants devront aussi dépendre de ce qui vient. Alors, c'est ça qui est fondamental, l'autonomie. Ensuite, évidemment, on insiste beaucoup sur ce rôle d'agriculteur, d'accord, mais il est d'abord apothicaire. Oui. Donc, ça veut dire que c'est un métier qui... Et pas rien dans le contexte de l'époque. Il faut préparer, vendre les médicaments dans la boutique de l'apothicaire. Il faut manipuler les plantes et les drogues, calculer les dosages. Ouais. Ça représente un savoir phénoménal pour l'époque. Ça veut dire avoir une bibliothèque bien garnie, être un érudit, connaître les ouvrages scientifiques, avoir la santé des gens entre les mains, la mort potentielle si on se trompe aussi. Donc, c'est quelqu'un qui, déjà, au niveau scientifique, est assez solide. En plus de ça, il se passionne pour la nature puisqu'il est curieux et qu'il va vouloir documenter ce qu'il voit. Les Autochtones vont aussi l'aider parce qu'il a de très bonnes relations avec les Autochtones sur place. Alors, ça fait quelqu'un qui, finalement, s'intéresse à la fois aux vertus médicinales des plantes, mais aussi à toute la flore qui l'entoure. Et de fait, il va... cet homme de science sera très, très, très important. Puis encore une fois, je le signalais au tout début de l'émission, mais c'est probablement la portion de son héritage la moins bien connue. Ce sera le premier botaniste de Nouvelle-France. Tout à fait. Il sera vraiment très, très déterminant. Il laisse tout un héritage de ce côté-là. À ce propos, voici l'auteur et animateur Pierre Morency à l'émission « Par les sentiers de la mémoire » en octobre, diffusée en octobre 2000. Ce dont ne doute aujourd'hui aucun des érudits à avoir fouillé son passé, eh bien, c'est qu'il a été le premier, sur le plateau de Québec, à avoir acclimaté des pommiers de Normandie, à avoir cultivé, outre des céréales, des choux, des raves, des laitues, de l'oseille et du persil, non seulement à des fins d'approvisionnement alimentaire, mais aussi dans un but thérapeutique. Mieux encore, de récentes études établissent qu'il fut en son temps la seule personne assez compétente pour fournir au savant français Jacques-Philippe Cornutti, auteur en 1635 du premier ouvrage sur les plantes du Canada, eh bien à fournir les spécimens dont ce dernier a fait la description sans avoir jamais traversé l'Atlantique. Cette participation à une œuvre aussi nouvelle suppose donc que le mythique ancêtre des laboureurs canadiens, loin de se cantonner sur ses terres, voyagea sur de vastes territoires, mania l'aviron sur de grandes voies liquides, prit langue avec les Amérindiens, herborisa, cueillit pour les identifier et les expédier à Paris, plus de 80 plantes indigènes alors inconnues. Ça, c'est formidable, Éric Dussault, tout un pan qu'on ne connaît pas, qu'on connaît très peu, de l'héritage de Louis Hébert. J'ai pas grand-chose à ajouter à ce qui vient d'être dit, hein? Donc il y a un lien avec la France. Il va envoyer de l'autre côté de l'océan des informations qui vont révolutionner les connaissances qu'on a de la Nouvelle-France à l'époque. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. En plus de toutes les tâches qu'il avait déjà à accomplir au quotidien, plus les menaces que pouvaient représenter certaines communautés autochtones pour la survie, malgré tout ça, il y a le temps de faire parvenir en Europe des échantillons. C'est extraordinaire. Vraiment, moi, je trouve ça renversant. Et malgré le fait, pour en rajouter une couche, qu'il va devenir procureur du roi en 1620, qu'il sera fait seigneur, le premier seigneur canadien, vraiment, c'est un personnage très important. Son assiette déborde, on peut dire ça comme ça. Parlons de sa veuve, quand même, Marie Rollet, qui va lui survivre une bonne vingtaine d'années et qui vraiment est une compagne. C'est pas que la mère de famille, que l'épouse, c'est vraiment l'associé de Louis Hébert dans son aventure en Nouvelle-France. Quelle importance elle va avoir? Je vais rendre hommage à une historienne de ma génération, Sophie Imbeault de Québec, qui a tout récemment, dans la revue Cap au Diamant, insisté, à juste titre et dans le Devoir aussi, sur le rôle fondamental de cette femme-là. Elle insiste, et elle a raison, sur le fait que c'est loin d'être une simple femme au foyer. Oui. Marie Rollet est instruite, elle sait lire, elle sait écrire, elle enseigne à la fois aux enfants blancs et autochtones, le calcul, l'écriture, tout ça, la lecture, l'écriture. Donc, c'est pour l'époque quand même très important. En plus, son mari, qui n'est pas toujours à la maison, loin de là, va très rapidement dans leur histoire du couple signer une procuration en sa faveur. Donc, elle peut administrer, en l'absence de son mari, tout à fait les mêmes choses à la clientèle que le fait l'apothicaire Louis Hébert. Donc, Marie Rollet va être à la fois une femme responsable financièrement, mais aussi sur le plan médical, elle va jouer un rôle tout à fait équivalent à celui de son mari. Ça, ça suppose qu'elle a observé, qu'elle a appris, qu'elle est une érudite, elle aussi, puisque son mari l'est. Alors, c'est extraordinaire qu'une femme de l'époque ait eu un tel rôle. Elle est en plus marraine de plusieurs Amérindiens qui vont être baptisés de façon catholique. Alors, elle va être marraine pour eux. Ensuite, on l'a dit fine diplomate. Alors, elle va créer des liens avec les autres membres de l'élite de la Nouvelle-France. Alors, elle aussi, vous disiez tout à l'heure une assiette pleine, je pense qu'à l'échelle d'une femme de l'époque, elle est aussi importante que son mari. Ouais. C'est clair que les deux forment un couple extraordinaire à tout point de vue. L'assiette était tellement pleine qu'il y en avait largement pour deux. Hein, on va dire fait. Ça comme ça. L'une des filles de Louis Hébert et Marie Rollet, on arrive à la génération qui va suivre, Guillemette, va épouser Guillaume Couillard en 1621. Leur mariage va d'ailleurs être le premier ou un des premiers à être officiellement inscrit au registre. Quelle importance, Éric Dussault, aura le couple Hébert-Couillard dans le développement de la colonie? Le couple Couillard va être important parce que c'est eux qui vont permettre à la Nouvelle-France de rester en poste pendant 3 ans, puisque les Kirk, qui représentent la couronne anglaise, vont arriver à Québec en 1629. Et à ce moment-là, ben, pendant 3 ans, ils vont rester presque seuls, les Couillards, sur place. Québec est occupé là, par les frères Par les Anglais, Kirk. Voilà. De 1629 à 1632. En 1632, la Nouvelle-France retourne à la France. Mais pendant ce temps-là, ce sont les Couillards qui vont rester sur place. Donc déjà, c'est extraordinaire. D'ailleurs, Couillard va être anobli pour cet acte-là. Ouais. Deuxièmement, ils sont importants parce qu'ils vont donner toute une descendance aussi au Québec. Le premier ministre, Philippe Couillard, est de la 11e génération de cette lignée-là. Il n'y a pas de descendant direct de Louis Hébert, mais il y a des descendants quand même de Couillard. Alors, ça veut dire que dans notre histoire, c'est important parce qu'il y a une lignée qui nous ramène jusque-là. Et il y aura 3 autres personnes en plus de notre premier ministre actuel qui descendent de Couillard. Donc, cette famille, elle est vraiment importante. Ouais. C'est assez, en même temps, c'est assez ironique. C'est une belle histoire, mais c'est assez ironique qu'il n'y ait pas que Louis Hébert, le premier colon de Nouvelle-France, n'ait aucun descendant direct qui porte son nom. Ce sera par les Couillard que cette famille-là se perpétuera. On dit qu'il y a quand même une filière Louis Hébert à travers Françoise Hébert, la petite fille de Louis Hébert, mais il y a aussi Guillemette. Donc, c'est par les filles que la filière Hébert se répand. Mais il n'y a personne au Québec qui porte le nom Hébert qui est directement lié à Louis. C'est ça qu'il faut nuancer. Éric Dussault, historien, ami de l'émission, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.